toi, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, oui, quelle chance. Entrez, entrez dans la danse, car ce soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Entrez, entrez, entrez dans la danse, car ce soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, entrez, entrez dans la danse. Oui, ce soir, quelle chance, car nous allons fêter. Nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Entrez, entrez tous dans la danse, car ce soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Entrez, entrez, entrez en transe, car ce soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Entrez, entrez tous dans la danse, car ce soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, entrez, entrez tous dans la danse, aujourd'hui quelle chance, ce soir nous allons fêter, belle ville de la Hanse. Aujourd'hui nous allons fêter. Entrez, entrez tous dans la danse. Belle ville de la Hanse. Belle, belle ville de la Hanse. Belle, belle ville de la Hanse.